suspendu. Les consonnes sifflantes, doucement dévoisées de la mie, évoquent un autre souvenir, tel un faisceau secret sur la glace obscure. C'est la petite au regard pâle, surgit d'un monde parallèle, aspiré vers une silhouette. Dans cette assemblée attentive, la poursuite du théâtre et de cette scène les a cloués comme